Mais déjà, trouver des mots-clés pour ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu mets? Vrac, objet, par terre? Comment? Bordel de la chambre de Quentin Rado. Là, là. Une milliard de aujourd'hui, on parle de photographie. De bonnes photographies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Avec une invitée, voilà, que vous avez déjà vue, qui revient pour parler de sa passion et d'une passion qu'on partage tous. C'est une passion. C'est une passion, ok. Donc on n'a pas besoin de te payer alors. Non. Ah, ah voilà. Super. Payer en gratitude en visibilité, quand on fait sa passion. Bien sûr. Attends, c'est pas un travail. De l'argent en plus, allez. Et regarde. Clac, moi aussi je prends une photo. Hein. Allez. Bah oui, écoute, avec les appareils qu'on a aujourd'hui dans nos poches, on peut en faire des photos, hein, et de bonne qualité. C'est inadmissible. Si vous pensez comme ça, eh bien, allez-vous-en, vraiment. Allez-vous-en. Immédiatement, vous êtes vidéo, chez vous, dégagez. Je ne veux vous pas en public, en fait, dégagez, voilà, si vous pensez ça. Allez-vous-en. Il est chez lui, il s'en va. Ah ouais, non, quitte ta maison, tu la vends, même pas tu la vends, tu l'abandonnes, voilà. Donc effectivement, la photographie, on va parler d'anecdotes, de choses comme ça. Oui. Parce qu'en ce moment, on fait beaucoup de clips, on fait beaucoup de covers, dans ton cas, toi tu fais exactement. De toute façon un cursus dans la photographie, donc j'ai envie de dire c'est au jour le jour, voilà. Mm-hmm. Et puis effectivement, c'est marrant, on revient avec Lisa qui est déjà venue dans ce podcast, c'était sur quel épisode, je sais plus du c'était tout. C'était un épisode sur la rentrée. Ah exact, voilà, elle a acheté récemment des Kodak, alors moi j'ai acheté avec la coque parce qu'on part au ski. Ouais. D'ailleurs il y a peut-être... Tu gris tous mes sujets de conversation. Ah il y a peut-être 2-3 trucs, voilà, mais en fait on prendra des photos au ski et ouais. Ça va vraiment être marrant, je vais le perdre 100%, je vais le perdre, c'est sûr et certain. Mais ça c'est sûr et certain, ouais, non mais franchement c'est cool. On va pouvoir aller dans la neige avec ça. Incroyable. Dans et la prendre puff, des photos. La puff, man. Ouais, la puff. Bien sûr. J'ai hâte qu'on fasse des photos, tu sais, du style je m'arrête en glissant, il y a de la neige qui arrive sur l'appareil. Bien sûr. C'est sûr, ça va faire des beaux rendus, ça. De belles photos. Ou alors juste des photos devant des raclettes, moi, ça me va aussi. C'est ce qu'on va faire, sur les appareils. Il va y avoir que ça. Là, il en reste combien? Il reste 20 photos. Les 20, ça sera que de la raclette. Non, en vrai, si vous connaissez pas le principe de ces appareils-là, c'est qu'on a un nombre limité de photos. 40, non? 40, ouais, c'est entre 27 et 32, généralement. Et voilà, impossible de voir le résultat avant de les avoir développés. Ouais. Donc, ça fait un petit... Une surprise. Une surprise, finalement. En plus, généralement, on les oublie. Donc, mm-hmm. C'est encore mieux de les redécouvrir et tout, c'est trop bien. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, et puis tout. Ah, t'es pas tant hâte que ça, vu les photos des fois que tu prends à 1 mm de ma tête, finalement. C'est le plaisir. Et encore, il n'y a pas de flash sur ceux que Lisa a achetés, donc qui n'ont pas cette coque. En fait, du coup, ils peuvent avoir un flash. Et hier soir, j'en ai pris une de toi vraiment à ça, oui. Avec le flash. D'ailleurs, t'as perdu, je crois, de... Je vois moins. Voilà, bien un personnage. Ouais. Après, bon, c'est ça la vie d'artiste. Donc, J'ai moins 10 sur chaque œil, là. Ah ouais? C'est pas ouf. Moins 10? Ouais. Sachant que je crois que c'est 10. Je crois que c'est 0, 10, donc, non? C'est pas 0, oui, 10? Oui, ça va de 0 à 10, je crois. Donc là, tu as moins 10. En fait, tu vois plus rien, là. Ah non. Ah non. Ah, ouais. Ah, je fais au hasard par rapport au bruit que vous faites. Ah ok, parfait. En fait. Donc là, tu vois rien, par exemple. Ah non? Pourquoi? Okay. T'as fait quelque chose? Non, non, pas du tout. Ah ok. Donc voilà, effectivement, c'est cool. Si vous avez... En plus, ça coûte pas cher. Ça coûte entre, allez, on va dire 10 et 15 euros les argentiques Kodak jetables, comme ça, qu'on trouve à peu près partout. Et ça a vraiment un cachet différent de la photographie digitale qu'on peut faire avec des caméras. Mais ce que ça rend, c'est un Polaroid, genre avec les bords blancs, ou c'est une photo carrée ou... Non, en fait, t'as un film à pellicule, c'est quoi? C'est des négatifs, c'est ça? Si je me souviens bien. Je connais pas trop le process des anciens appareils photo. Attends, mais c'est toi qui fais une école là-dedans, non, quand même. Non, mais effectivement, en fait, t'as une petite pellicule et t'as des photos, enfin, les photos que t'as prises, elles sont toutes petites dessus. Ouais. Et du coup, grâce à la chambre noire, alors je connais pas le processus par cœur, mais en gros, ils arrivent à transposer le film sur du papier plastique, du papier photo. Mmh. Mais t'es pas obligé d'avoir le, comme sur les Polaroid, ah oui. Où ça sort direct, tu vois. D'ailleurs, d'accord. Je pense que le bord blanc sur les Polaroid, en fait, c'est juste pour pouvoir tenir la photo, je pense, et marquer oui, ce qu'il y a dessus, voilà, c'est ça. Ah ouais. Parce okay. À mon avis, c'est pas du style, hein, c'est juste pratique surtout. Ah, okay. Parce que maintenant, c'est devenu un style finalement. C'est vrai. Ouais. Full cycle again. Bah, hein, c'est... Moi... On oublie, ça revient. Les hipsters, je déteste ça. J'ai utilisé la photo récemment pour mon travail, car je suis coveriste. Non, je suis graphiste, mais je fais des covers de rap. Et enfin, des covers de tout et n'importe quoi. Hein, si vous voulez, je peux même faire du R&B. Du R&B. Tu veux faire du Airbnb? Ah oui, on a fait une soirée hier soir. On a une pote qui dit: alors, du coup, vous allez en R&B à la montagne. Beau bisou, ouais. Bah, on va chanter. Je vais leur chanter, moi. Ah oui, attends. Avec de l'autotune à fond, à balle. Ah, il y a peut-être des projets qui arrivent, mais on n'en dira pas plus. Alors quoi? Oui, comment ça va, Charlotte? Oui, pardon. Terminé, finalement. Ouais, après, ouais, c'est toujours pas présenté. C'est vrai. Non, mais présente-toi et j'en parlerai après. Comment tu t'appelles déjà? Parce que les gens oublient, en fait. En 5 minutes, généralement, c'est à peu près le... le temps de réponse des auditeurs, des gens, nos auditeurs. Eh bien, je m'appelle Anne-Charlotte. Et ça, c'est vrai, ça. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir. Bienvenue, Anne-Charlotte. Merci. Voilà. Voilà, voilà. Que fais-tu? Je fais des études en infographie. Oui. Et ma passion, bah, c'est la photo. Ok, donc c'est ça, la passion. C'est ça. Mm. Super. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est à minima, c'est sympa. Je pense. Du coup, tu voulais nous parler d'un truc? Oui, en fait, comme je faisais une cover pour une musique de rap récemment. Laquelle? C'est celle de Nesiak. Ah, Lust, qui sort bientôt début janvier. Exactement. Normalement, s'il sort le clip quand on lui livrera, ce sera début janvier. Et en fait, c'est une musique très très mélancolique et dans le dramatique, puisque c'est elle parle de la perte d'un être cher. Mmh. Et en fait, du coup, j'ai voulu pour matérialiser ça, enfin pour comment dire, montrer ça graphiquement, j'ai voulu faire une cover où c'était une sorte de où on avait une photo qui était un peu dégradée sur un sol, lui aussi un peu vieux, avec de la poussière et tout, pour faire un peu un vieux souvenir, tu vois. Mm-hmm. Comme si c'était une vieille photo, un vieux souvenir. Une vieille photo. Une vieille photo. Et pour ça, en fait, j'ai demandé à Quentin et Elisa, quand ils étaient sur le tournage, de me fournir une photo où l'artiste était de trois quarts d'eau, avec une, éclairée grâce à une backlight, pour que ses contours ressortent bien. Et ils m'ont fourni la photo désirée, parfaite, en temps et en heure. On peut dire la photo parfaite, vraiment. Voilà, exactement. Donc j'avais plus qu'à la retoucher comme je voulais, en noir et blanc, etc. J'ai mis des filtres dessus pour qu'elle soit dégradée, finalement. Bien sûr. Et je lui ai mis un petit effet polaroïde. Et au final, l'artiste en question m'a dit que c'était bien, mais que comme la photo recouvrait quasiment toute la cover, cette photo-là, il aurait aimé que ce soit plus dans une sorte de vrac, des choses, des affaires renversées, avec la photo par-dessus, mais un peu plus petite. Donc, au début, je me suis dit, oula, comment vais-je faire ça, finalement? Et j'ai parcouru un peu Shutterstock et Google Images, etc., pour voir s'il n'y avait pas des petits fonds sympas comme ça. Mais déjà, trouver des mots-clés pour ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu mets? Vrac, objet, par terre? Comment? Bordel de la chambre de Quentin Ado. Là. Une milliard. Ma mère peut t'en fournir, hein, s'il t'en faut. Ah, c'est sûr. Non, mais mon père en a aussi. Des milliards. Mais bref, du coup, je me suis dit, comment vais-je faire, finalement? Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, Quentin m'a fourni une softbox, qui est la lumière qui nous éclaire actuellement. Exact. Et elle est chez moi. J'ai un appareil photo. Est-ce que je prendrais pas des affaires à moi, les disposer sur le sol et prendre la photo moi-même? Alors, miskin, le setup que j'avais, je me suis dit, jamais ça ne rendra bien. J'ai pris la photo, je l'ai mise sur la cover et tout, et j'ai fait tout le travail derrière. Et au final, ça rend trop bien. Donc, je suis trop content. Bon, tu es extrêmement présomptueux. C'était vrai. Non, la cover rend vraiment bien, parmi toutes celles qu'on a fait, puisque elle a été réalisée dans le cadre du groupe True Plug, de direction artistique True Plug. Elle est vraiment cool. Merci beaucoup, merci. Elle rend bien. En plus, lui, il l'a totalement validé, donc ouais, c'est bénef. Et effectivement, pour un truc qui a été fait rapidement, parce qu'on a des délais et t'avais pas forcément de moyens, la mission est remplie. Hein, En plus, il a été trop cool. Je lui ai envoyé le Nesiak, parce que je lui ai envoyé le setup que j'étais en train de faire pour faire la photo. Et il m'a dit « Ah non, mais surtout, t'embête pas autant. Désolé si ça prend trop de travail, surtout pour mais le prix. » Tu as l'amour du travail bien fait. Et voilà. Du coup, je lui ai dit « Écoute, je vais tester. » Et on verra bien. Et au final, c'est la meilleure cover que le monde n'a jamais vue. Donc voilà. C'est vrai. non, mais tu sais quoi, je la mettrai comme ça, tac, voilà, maintenant. Comme ça, les gens pourront se rendre compte. Puisque maintenant, elle était validée, on est d'accord, c'est la version finale. Mais le master. Est-ce que ce lundi, elle peut être déjà découverte ou pas? Ah, je lui demanderai. Tu sais quoi, je lui demanderai. Ouais. Et dans le pire des cas, bah, vous irez qu'à voir Lust de Nesiac sur Spotify, toutes les plateformes, quand ça sortira. Exact. Et vous verrez le travail de l'ami Vincent. Oui. Hein. Et le clip aussi, qui sera le travail de l'ami Quentin. Exact. Finalement. Alors ça, c'était... Bon, on va parler de plusieurs anecdotes. Je vais laisser la parole à Anne-Charlotte, parce qu'elle en a plus que moi en photographie, je pense. Mais c'est vrai que, ouais, en réalisation de clips, il s'est passé un nombre de trucs assez incroyables. Faudrait faire, un format. Je pense que ça marcherait, un format sur YouTube. Encore un format de, moi, tu ne t'arrêteras jamais. À 4, à 3, j'adore tout. Dès que je peux faire des dimensions, je... Ouais, non, mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant. Dites-nous si ça vous intéresse, des anecdotes de tournage, des problèmes qu'on a rencontrés, comment on les a surpassés. Bah après, ça peut faire un épisode. Aussi. Ouais, je sais pas, ça peut être marrant. Parce qu'en fait, le problème des épisodes, c'est que comme on est timé, il faut qu'on soit concis dans ce qu'on raconte, tu vois. On n'a pas forcément le temps de prendre... En une heure. Pour les détails et tout. Ouais, bien sûr, parce que honnêtement, des fois, tu peux parler d'un truc, de certaines anecdotes, en soi, elles peuvent prendre 15 minutes, tu vois. Si tu racontes vraiment tout le contexte, tout. Mais bon, bref, on verra bien. On verra bien. Anne-Charlotte, tu fais de la photographie. Oui. Oui. Pour l'instant, alors, t'es pas encore pro, je pense. Non, non. Là, pour l'instant, tu te fais la main. Déjà, un très bon œil. Est-ce que tu peux plug ton compte photographe? Maman. C'est charlie.dlfs. Donc, Charlie avec un Y? Non. Avec IE? IE, ouais. Ok, donc charlie.dlfs ouais. Sur Insta, voilà. Et vous allez voir, honnêtement, il y a des bons portraits, il y a un certain œil déjà. Ouais, franchement, j'étais étonné la première fois que j'ai vu tes photos. Je me suis dit, ah ouais, 18 ans, ouais, déjà. Et toutes ses dents. Une vie. Toutes ses dents. Voilà. Ça, c'est vrai, regarde. Elle est là toute. Hein, donc, ça fait et déjà une vision artistique. Voilà, c'est bon. Et toutes ses dents. Alors, alors on va parler d'anecdotes de shooting photographique. Oui. Moi, j'en ai pas vraiment, mais. Enfin, si, j'en ai peut-être une ou deux. Mais toi, tu en as. Et la première commence par une cliente qui te vole des trucs, des affaires. C'est pas vraiment sûr, mais en gros, c'était le pire jour de ma vie. Donc en gros, je faisais un shooting. Ouais. Il faisait beau ? Oui. Je sais pas si c'est important. Ouais. Non, c'est vrai, dans l'histoire, quand on raconte une histoire, ouais, l'art du storytelling, c'est effectivement mettre le contexte en place. Donc n'hésite pas à donner un maximum de détails, comme ça les gens vont se projeter, tu vois. Voilà. Quel vêtement tu portais ce jour-là, par exemple ? T'écoutais quoi ? Météo plutôt humide ? Le vent ? Ah, attention. 40 degrés. Le vent, 40 degrés. Hein, ouais, ça, c'est le vent de 40 degrés, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est, et la température de 11 km/h. Hein, exactement. Ça fait toujours. Du coup, pardon. Oui. J'étais trop contente de faire ce shoot parce que je l'attendais. Ouais. Et on est allé dans, vous voyez, les piscines à balles pour les enfants. Ah oui, et comme on retrouve au McDo. Je crois qu'il n'y en a plus parce qu'il y a trop de germes dans ce genre de choses. Ah, peut-être. Tu te souviens des balles en plastique, là ? Mais je sais pas si... J'en ai jamais vu au McDo, mais je connais le principe. Et ben voilà, et du coup, on a fait un shoot dedans. Et tout s'était très bien passé, les photos, elles étaient hyper belles. Et T'es pas obligé de te jeter les fleurs. T'es pas à moi non plus, donc. Et du coup, on décide de changer d'endroit. Mais la personne avant voulait manger. Du coup, c'était Vincent. Parce que c'était Vincent. C'est moi. Toi. Bon, j'avoue, je t'ai volé des affaires. Tu lui as dit, on a mangé avant le shoot. Et Vincent a dit oui, mais maintenant on remange là. Parce que tu manges combien de fois par jour, on le rappelle ? 18 fois. Ah, quand même. Hein. Ouais. C'est sacré. Pour chaque heure de la journée. Belle perf, on peut dire. Ouais. Belle perf. La nuit, je dors 6 heures. Un athlète. Toutes les heures. Donc vous allez manger. Voilà. Et pour manger rapidement, du coup, on décide d'aller au McDo. Donc cette personne avait une voiture et c'était pendant l'été. Et à Saint-Raphaël, là où j'habite, il y a énormément de monde en été. Ouais. Et, car très touristique. Voilà. Qui n'a pas envie d'être dans le sud en été, finalement ? Est-ce que le sud, c'est au Japon ? Parce que quelqu'un, non, moi je veux aller juste au Japon. Hiver ou été ou... Tout le temps. Qu'il y ait un vent de 40 degrés si, par exemple, ou une chaleur de... centrale nucléaire qui explose pile là, au moment où tu... J'adore ça. Je m'abreuve des radioactivités au moins, ça fait pour développer des super pouvoirs. Pour l'instant, t'as juste développé un cancer, mais on désespère. Mais j'ai l'espérance que ça mute et que, je sais pas, une connerie que je lance des toiles ou un truc. Vraiment. Ouais, pas... Un truc complètement stupide, quoi. Ouais, quoi hein. Du coup, vous allez manger au fast-food. Du coup, voilà. Et je décide de laisser mon sac avec mon appareil photo dans la voiture. Ah, ça voilà. C'est une mauvaise... Parce que je me dis, il y a du monde, voilà, je vais pas le prendre. Ouais. Mauvaise idée, ça, de base. Bah voilà. Et bien du coup, dans l'évidence bien sûr, ou... Caché, enfin genre... Ouais, pas sur le siège, mais sous le... Sur la voiture. Ouais, voilà. À qui bon veut le prendre, ça ne veut rien ben, dire. Ben, le français. Et du coup, je sors de la voiture et bien sûr, je vérifie que la porte est bien fermée. Donc voilà, et je vais manger sereinement, tranquillement. Sauf que on met très clairement une demi-heure à se faire servir au McDo. Du coup, bah, on est resté très longtemps dans le McDo. Ça reste un fast-food. Hein. Ouais. On est là pour manger vite. Et ensuite, je retourne à la voiture. Donc, voiture clean, tout va bien. Je vais dans la voiture. Tintintin. Je prends mon sac. Et là, je sens que mon sac est hyper léger. Et je me fais, oula. Là, déjà, il y a un problème. Et il n'y avait plus mon appareil photo. Il n'y avait plus mes deux objectifs. Et il n'y a que ça qui a été volé. Et il y avait encore mon sac. Enfin, voilà. Du coup, c'était le pire jour de ma vie. Il y avait ton portefeuille dedans ou tu l'avais sur toi? Oui, enfin non, j'avais mon portefeuille sur moi, mais il y avait... Et ils ont tout laissé? Oui. Il ou elle a tout laissé? Et sans casser la voiture? Alors, ouais, mais alors c'est, ça, c'est bizarre. Comment ils sont rentrés par la fraction dans la voiture? C'est pour ça. Tu t'es pas volé toi-même et tu t'as oublié? Ouais, tu t'as oublié. Toi, t'as oublié le français aussi. Et du coup, ouais, tu sais toujours pas si c'est la cliente ou pas? Non, je sais pas. D'accord. L'enquête se poursuit. C'est ça. Mais comment ça aurait pu être elle? Parce qu'elle était avec toi, non? Bah oui, elle était avec moi, mais... Elle a peut-être un complice. Ouais, voilà. Ah. Elle a peut-être un sosie d'elle, un jumeau maléfique caché. Et est-ce qu'en revenant à la voiture, elle a fait « Oh mince, ça a été volé, aïe aïe aïe ». En rangeant l'appareil dans son sac. Ouais. Je sais pas qui a pu faire ça, vraiment. Ouais, ça doit être un coup dur. Oui. C'est arrivé aussi à des potes de Lisa, ils étaient partis en vacances sur une île, je sais plus laquelle, et alors par contre, là, leur coffre a été fracturé, et tout a été volé, drone, appareil photo, objectif, disque dur, enfin... Le pire, c'est que là, tu perds ton matos, mais en plus, les projets en cours. Mmh. Donc là, c'est niveau tarif, c'est encore pire, parce que du coup, tu te fais pas payer, donc tu peux pas rembourser, enfin, c'est insupportable, insupportable. Ouais. Toi, tu t'es jamais rien fait voler, mais en venant chez moi une fois, t'étais pas serein. Tu m'avais dit. Ouais, une fois, bah justement, je rentrais d'un clip qu'on avait fait en urbex, non loin de Schiltigheim, voilà. Et vraiment, à toutes les intersections que je prenais, il y a une voiture qui me suivait, tu vois. Mais à une allure exactement la même que la mienne, donc aucune distance et tout. Et à chaque fois que je tournais, dès que je m'arrêtais, la personne s'arrêtait. Enfin, ils étaient plusieurs dans la voiture, tu vois. Et comme... Je me souviens avoir vu cette voiture en partant du lieu d'urbex, parce que je regardais forcément pour démarrer ma voiture et tout. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas vu, justement, s'ils m'avaient pas vu moi ranger mon stabilisateur, machin et tout, dans ma voiture, tu vois. Et effectivement, au bout d'un moment, j'accélère et tout, et ils accélèrent. Et ouais. Je me dis, bon, là, ça commence à devenir un peu bizarre. Et j'accélère à blinde, genre, on est dans une rue à 30 et je suis à 60, ok. Donc vraiment, là, je suis à deux fois, là, tu vois. Et... Il y a une... c'est juste là-bas, en fait. Quand on arrive chez toi, tu sais, il y a un tournant pour arriver soit au McDo, soit pour partir vers Onheim et tout. Et j'ai tourné comme ça, directement, sans freiner. Hein. J'ai tourné à 60, j'ai pris le virage à 60. Et en fait, ils ont pas pu suivre, ils sont partis. Et en me garant en bas de chez toi, je les ai vus repasser. Et ça veut dire qu'ils ont fait le tour. Parce que normalement, tu peux pas repasser par là où ils sont passés quand je les ai vus. Mmh. T'es obligé de faire le tour. Donc ça m'a paru vraiment bizarre. Peut-être une paranoïa, j'en sais rien, c'était assez suspect. Mais bon, voilà. Sinon, sur un tournage, je crois pas qu'on se soit fait. On a déjà eu des merdes, forcément, avec des groupes ou des gens. Je crois que j'avais déjà raconté l'histoire des Tchétchènes qui faisaient de l'airsoft et qui ont cru. Je crois que je l'avais raconté. Hein. Ouais, tu l'avais raconté. Avec Lisa, je crois. Ouais, et qui nous avait menacé parce qu'il croyait que le rappeur. En fait, il avait un couplet qui disait. Je le raconte vite fait. Il avait un couplet qui disait je les baise ou Tchétché. Un truc, je sais plus. Enfin, c'était une rythmique, en fait. Et les Tchétchènes croyaient que, en gros, on disait on baise les Tchétchènes, quoi. Donc, ils sont venus nous voir avec. Arme au poing, leur chef qui faisait 2 mètres, ultra balèze et tout. Et ouais, il y avait des gars de leur groupe qui, le temps qu'on parle, ils nous avaient contourné et tout pour nous prendre à revers au cas où ça partait en baston et tout. C'était un peu bizarre ce moment de tension. Ouais. Mais sinon, ouais, rien de. À part 2-3 trucs, mais rien de. 2-3 bricoles. Voilà. Ah ouais. Qu'un extrêmement dangereux. Ouais, non, le fait de faire suivre en voiture, ma mère a déjà eu ça. Oh, j'ai une anecdote qui vient de me souvenir. Alors, c'est pas pendant qui un clip. Qui vient de te souvenir. Ouais, par contre, je m'en suis souvenu, mais j'ai perdu du français pour le coup. C'est parti direct. On était sur le parking, c'était encore avec Lisa. On faisait des photos sur un parking, le parking de la gare. Et en fait, en gros, tu as un ascenseur et tu peux monter. Quand tu arrives, tu peux monter au-dessus de l'ascenseur et tu as une vue panoramique sur toute la ville. Et du coup, je monte dessus et en fait, il y a des caméras de surveillance dans le parking. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on entend l'ascenseur qui monte. Il n'y avait personne sur le parking, tu vois. Donc, on s'est dit, c'est bizarre, c'est pas quelqu'un qui vient chercher sa voiture. Et en fait, là, on voit genre 4 ou 5 flics débarquer avec des chiens en mode qu'est-ce que vous faites là, machin et tout. Et donc, du coup, ils sont assez conciliants. Ils nous disent juste. Dégager rapidement, machin et tout. Et il se retourne et il me voit au-dessus de l'ascenseur. Et moi, je suis en mode bonjour, parce que je m'étais pas déclaré, tu vois. Et donc, pour eux, ils ont dû se dire bon, ils font les malins ou je sais pas quoi. Et du coup, on a dû rester quasiment 40 minutes le temps qu'ils vérifient nos papiers d'identité. Enfin, c'était insupportable. Mais bon, voilà, j'étais vraiment genre dos à un mur au-dessus d'un ascenseur comme ça. Bonjour les policiers, ça va. Bref, c'est le genre de choses qui arrivent. Contrôle d'alcoolémie, même pas Ouais. D'alcoolémie. Non, ils ont. En fait, nous, personne n'avait nos papiers, donc du coup, ils ont dû appeler la centrale. Pour ah, vérifier ils ont fait manuellement le fameux les papiers. Centrale. Bien sûr. Ah, yes. Et, ouais, parce que tous les policiers ont l'accent. Bien sûr, on le rappelle, hein, tous les policiers ont l'accent du Sud. Hein, ça, c'est. C'est proscrit. C'est une vérité. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une fois où j'étais chez ma cousine. Et ça a appelé sur le téléphone fixe et ma cousine a décroché et genre elle avait mis le haut-parleur et genre c'était un gars qui disait bonjour c'est la police, bonjour c'est la police nationale, j'aimerais parler au chef de la maison. Et elle a cru que c'était un caméra. Elle a cru que c'était vrai. Ah. Alors que c'était mon oncle. Et genre nous on s'est pas dit pourquoi il a l'accent du Sud. Bon, on avait, je sais pas, 10, 11 ans, mais... Vous avez vraiment cru que c'était un policier et tout. Ouais, on s'est dit, oh putain, c'est un policier. Ah, parce que nous, du coup, aussi, vous avez pris l'accent. L'accent, ouais. Ah là, le stress, hein, ça donne... T'as vu, le stress, ça donne toujours l'accent du Sud. Je me rappelle, quand j'ai passé les épreuves de bac au français, même sur les écrits, t'écrivais avec l'accent du Sud. Mais remarque, vu que j'avais un texte de Marcel Pagnol, ça m'a aidé, finalement. Ah. J'avais la Provence... La Provence. Les fibres de Païmang. Les fibres de mon pays. mais ouais, du coup, on est allé donner le téléphone au chef de la maison, finalement, le père de ma cousine. Et lui, il a fait « Ah, bah, c'est Pascal !» Et nous, on était là « Ah, ok. » Genre, on s'est dit « Ah, ça y est, il y a quelque chose de grave. Ma cousine n'a plus de maison, c'est terminé. » Classique Pascal. Hein. Classique Pascal. Classique Pascal. Classique. Écoute, on va faire une pause et on revient tout de suite avec ton anecdote. Exact. Alors, mon anecdote à moi, c'est plus de la non... comment dire ? Assistance à personne en danger, puisqu'une personne est morte et que tu aurais pu l'aider. C'est pas ça du tout. Ah, j'aurais essayé. Non, c'est plus que je suis pas ouf du tout en photo, en fait. Parce que une fois, j'avais fait un shooting pour quelqu'un, pour deux personnes. Et le truc, c'est que voilà, j'ai pris mes photos. En composition, je suis pas trop mal, donc ça va. C'est vrai que t'as un bon œil. Pourtant, je me souviens, dès qu'on a commencé la photographie, alors que t'en avais jamais fait et tout, t'es arrivé à trouver des photos sympas par rapport aux lignes de force et tout. T'as directement intégré le concept et tout. Ouais, ça. Bah en fait, les cours de l'IUT m'avaient extrêmement intéressé. Ceux de Antoine, je ne sais plus quel était son nom. Mais, Rolin. Antoine Rolin, exactement. De la société Amopix, je crois. C'est ça, Astras. Astras, ils font des courts-métrages et tout, donc voilà. Mais ils nous avaient enseigné l'art de la cinématographie et donc tout ce qui est ligne des tiers, tout ça. Et ça m'avait extrêmement intéressé. Et en plus, je regarde beaucoup, beaucoup de films et de séries, donc beaucoup, j'en regarde pas mal. Et du coup, j'ai toujours été un peu là-dedans. Donc, ça m'a permis de me développer un peu à ce niveau-là, au niveau de la compo. Et du coup, je fais mes photos de shooting. La compo est bonne. Et sauf que tout ce qui est balance des blancs et tout... Je me demandais si c'était ça, mais du coup... je suis pas ouf. Et du coup, en fait, ça va pouvoir nous permettre de parler d'autre chose. Mais je balance mes photos sur mon ordi. Je fais mes réglages et tout. Et en fait, le problème, c'est que toutes mes photos étaient un peu rose-bleues. Elles avaient une teinte qui n'était pas bonne. Parce que je ne règle jamais la balance des blancs, je la laisse en automatique. Et là, la teinte n'était pas bonne du tout. Mais en fait, le fait de voir que des photos comme ça, j'ai mon T'as rien trouvé de bizarre en fait. Ouais, j'ai rien trouvé de bizarre. Alors que, genre, quand je les ai revus après, je me suis dit. Enfin, toi, tu m'as dit, bah, les gens sont roses et les blancs sont bleus. C'est bizarre. Et du coup, je me suis dit, effectivement, c'est très laid. Donc, j'en ai retouché quelques-unes et tout, celles qui étaient les plus atteintes. Mais je ne sais pas si vous avez ça aussi, des fois, d'avoir un problème. Mais comme vous n'êtes que là-dessus et focalisé là-dessus et que vous n'avez rien d'autre comme référentiel, vous ne le voyez plus. Ben, il y a cette dimension-là, il y a aussi une autre dimension qui fait que, comme tu apprends au jour le jour en photographie, des fois tu fais un truc pendant des mois, et en fait, sur un shooting, tu découvres que, ah, mais en fait, on peut faire comme ça, et ça change totalement ce que tu es en train de faire et tout. Mmh. Genre, ça m'est encore arrivé récemment en vidéo et tout. Mais par contre, ce qui est bien avec la photo, notamment quand tu shootes en RAW et tout, donc c'est des formats flat, des formats plats, pardon. Donc, qui enregistre énormément de données, contrairement par exemple à une photo que tu prends avec ton iPhone, c'est ce qu'on appelle le format JPEG. Donc, c'est compressé pour que ça soit facilement envoyable, ouais, mais tu peux pas très difficilement les retoucher. Alors que le RAW, elles sont beaucoup plus lourdes, mais tu as accès à toutes les ombres, les hautes lumières et tout. Donc, ouais. Tu peux, si tu foires ton truc, il y a beaucoup de choses que tu peux rattraper sur Lightroom, ouais, et tout. Exactement. D'ailleurs, même en balance des blancs, à mon avis, tu aurais pu le rattraper assez facilement. Bah, je l'ai rattrapé sur les photos que j'ai retouchées encore après. À la fin, ouais. Mais je les avais pas toutes faites parce que j'avais déjà passé beaucoup de temps. Je comprends. En plus, c'était un shoot gratuit, je crois. Donc, exactement. Ouais. Ouais, voilà. Mais est-ce que toi, ça t'arrive aussi de ne plus voir un problème parce que moi, tu l'as sous les yeux? Comment t'as fait pour remplacer ton matos alors, du coup? Du coup, c'était la fin de l'été. Et ouais. Tout l'été, j'avais fait des shoots. Et ça t'a permis de... Ouais. Ah, ok. Voilà. Ah, ouais. Ah, du coup, t'as quand même perdu un été, entre guillemets, quoi. Du oui, coup, ouais. Ah, c'est chiant, ça. Et t'as repris la même chose? Oui, j'ai repris la même chose. Ah, ok. Voilà. C'est quoi, par curiosité? C'est un Canon 7D Mark II. Mmh, ok. Ok, je vois la bête. Nice. Ok. Ouais, bah, on a... Ouais, bah justement, Corlisa, qui change d'ailleurs aujourd'hui de matos, qui était chez l'écurie Canon et qui passe chez Sony, voilà, chez les vrais, j'ai envie de dire quoi. Et ouais, ça va la changer parce que Canon sont connus pour avoir des teints de peau assez chaleureux et assez soft, alors que Sony, tout est extrêmement détaillé et tout, ce qui fait que même sur les peaux, c'est... Enfin, l'espace colorimétrique, en gros, la gestion des couleurs est moins... Et moins avantagé quand tu shootes des gens que chez Canon. Ouais. C'est un peu plus sympa. Après, tu peux tout rattraper sur Lightroom, je pense. À ce niveau-là. Même pas ? Oui et non. Enfin, le truc, c'est que des photos qui sont détaillées, t'es obligé de les retoucher manuellement. Tu vois, Lightroom, il va pas cacher tes boutons toi-même, par exemple, si t'en as, tu vois, que tu veux les cacher. Alors que si la lumière est bonne, généralement, avec les Canon, ça peut le faire en vrai. Ça fait des peaux qui sont assez lisses. Ça fait de très belles peaux. Les Canon font de très belles peaux assez naturellement. Ouais. Donc c'est okay. Intéressant. Ouais, c'est ouf de se dire que on pourrait croire qu'il y a seulement la marque, les objectifs ou les accessoires qui changent et tout. Mais en fait, non, t'as carrément la science des couleurs, tout ça qui change. Ouais. Donc vraiment, d'une marque à l'autre, t'as des univers complètement différents. C'est assez intéressant. Mais de... chez Sony, t'as pas été perdu au niveau des menus et tout? Alors, c'est l'enfer sur Terre. Vrai. Genre, le menu de l'asset, là, je crois qu'il y a, si je me souviens, il y a 14 menus. Et dans chaque menu, t'as encore des sous-menus, des trucs. Enfin, c'est insupportable. À apprendre au début, tu te dis, mais je vais jamais y arriver. En fait. Alors que moi, sur mon Panasonic, j'ai image, vidéo... paramètres. Ouais. C'est vrai que je me souviens. Et après, ça, dedans, ouais. T'as d'autres trucs, mais évidemment, mais ouais, c'est plus simple, j'imagine. Ouais, c'est bah ouais, les Sony sont connus pour ça, malheureusement, pour la complexité de leur menu. Mais bon, après, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils mettent énormément d'options, donc tu peux vraiment ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire vraiment faire le détail le plus précis. Tout ça fait plaisir. Mmh. En même temps, quand tu mets le prix pour du bon matériel pro, c'est ce que t'attends, tu vois. Exactement. Mmh. Est-ce que toi, tu vas changer d'écurie bientôt? Est-ce bah que non, tu, du coup, pour l'instant, non, je vais rester sur le Canon. Ouais, le Canon. Ah, c'est du bon matos aussi. Bon, c'est connu pour ça. Hein. C'est quoi le meilleur? Enfin, celui qui est le plus connu comme étant le plus qualitatif, c'est pas le 5DX? Le 5 marque quelque chose? Non, maintenant, chez les Canon, je crois que c'est la gamme OS R et tout, et OS X, là, c'est les trucs qui coûtent genre 13 000 euros et tout, mais... Après, bon, c'est vraiment des caméras très spéciales, tu vois. Ça me rappelle que j'ai vu une vidéo d'un... Bon, je me suis fait avoir par le titre directement de la vidéo sur YouTube. C'était je shoote avec une caméra à 125 000 $. Et du coup, je me suis dit, bah, je clique tout de suite. Mais en fait, c'est les caméras qui sont utilisées notamment pour les matchs de foot. Ah oui. Où on a en fait un zoom, je crois que c'est du, je sais plus, ça fait de 15 mm. Enfin, en fait, le plus cher, c'était même pas le boîtier de la caméra, c'était l'objectif. Parce qu'il faisait 500, un truc comme ça, millimètres. Et avec une ouverture énorme et, enfin, minime, vraiment très basse plutôt. Mmh. Et en plus, la caméra faisait un travail de focus absolument incroyable, puisque tu pouvais. Même de stabilisation. Et de stabilisation, puisque tu pouvais zoomer de la focale la plus courte jusqu'à la plus longue. En étant toujours sur le bon focus. C'est pour ça que dans les matchs, enfin, quand on regarde un match de foot, les joueurs ont un énorme flou derrière eux et qu'ils ressortent énormément du cadre et qu'ils ont, ils sont ultra, ultra nets parce qu'ils utilisent des caméras excellentes comme ça. Ouais. On les voit sur les bords des terrains avec des machines qui permettent de bouger comme ça, là. Ouais, parce que voilà, c'est encore ça, tu peux le faire beaucoup plus facilement avec un appareil photo, tu vois. Ouais. Mais pour avoir la stabilisation en vidéo, en live en plus, voilà. Effectivement, ça demande du matos cinéma en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est impressionnant. Même la taille de l'objet en soi, ouais, c'est pas un truc que tu shootes avec, tu vois. Bon, aujourd'hui, on fait un clip vidéo. Alors, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est vraiment le must du matos, quoi. Le Elon Musk. Le Elon Musk. Qui est très drôle sur Twitter. Ah là là, c'est un même lord, hein. C'est un même lord, hein. Ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Attends, tu rigoles, Elon Musk c'est un pote. ouais. Non mais avant que Vincent t'avait posé une question, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de faire un shoot et en plein shoot tu t'es dit merde, genre tu t'es rendu compte que t'avais un problème ou alors en rentrant, en dérochant, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu rentres chez toi et tu t'es dit attends mais je suis fou, attends mais j'ai laissé le cache objectif sur l'objectif. Bon là faut quand même sacrément con hein. je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé Non, ça m'étonnerait. Non. Non, mais j'ai pas mal des fois de photos floues que généralement je vois bien, mais au final elles sont floues. Tu fais le focus manuellement ? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur du coup. Ouais. Mais voilà. Ouais, c'est ça, le problème c'est de pas bouger en même temps de faire le focus, c'est difficile. J'ai investi dans un stabilisateur récemment, alors pour ceux qui ont jamais trop utilisé ça, en gros quand on filme avec une caméra, comme le corps tremble de manière permanente et que la caméra a ce qu'on appelle la vitesse d'obturation, c'est-à-dire que déjà de base le tremblement est géré par la caméra, mais si en plus tu rajoutes le tremblement du corps humain, ça peut faire vite fait des vidéos qui sont bah, inutilisables en fait. Mmh. Et pour les clips, on veut vraiment une image cinématographique où tout est extrêmement posé, bien fluide et tout. Enfin après, ça dépend, mais globalement, c'est ce que tu veux. Et du coup, le stabilisateur permet de faire ça. En fait, c'est une technologie qui a été développée. Je crois que les tout premiers stabilisateurs, c'était pour la NASA. Mmh. C'était genre super cher. Et quand c'est arrivé dans le commerce, c'était donc fourni par DJI et tout, je crois, tout ce qui était les premiers... Ronin, non ? Ronin, effectivement, pardon. Mais je crois que ça. Attends, je sais plus. Non, DJI. Si, DJI, c'est Ronin. Ah, ok. Je sais plus si l'entreprise a racheté Ronin ou si c'est de base, mais maintenant je sais que DJI, c'est Ronin. Bref. C'est pas DJI qui fait des Ronin ? Si, c'est ça. Ah. Mais du coup, je sais pas si à la base Ronin en soi, c'est une entreprise qui a été rachetée par DJI ouais. Ou si. Voilà. Et du coup, voilà, en gros, ça permet d'avoir une image stable, précise, belle, tout ce que tu veux. C'est ça qui fait. Tout l'effet cinéma, finalement, quasiment. Enfin, c'est vrai. En grande partie. C'est vrai. Après, bon, ça dépend de comment tu filmes. Tu vois, il y a des scènes qui ont besoin de ce qu'on appelle la shaky cam, donc des mouvements, notamment, généralement, dans tout ce qui est baston, scène de guerre, scène d'action, en tout cas. Mais bon, bref, voilà, pour les clips, effectivement, on cherche la plupart du temps à avoir de belles images fluides et tout. Mais par contre, ce qui est chiant avec le stabilisateur, c'est que t'es obligé de mettre en focus automatique parce que tu peux pas, en fait, en même temps que tu manies le stabilisateur, tu peux pas t'amuser à faire ça, tu vois. Ouais, bah, surtout que le stabilisateur est équilibré d'abord par rapport au poids de l'appareil photo. C'est ça, mécaniquement, c'est-à-dire toi, tu dois l'équilibrer et ensuite les moteurs font le travail pour encore plus l'équilibrer. Donc si en plus toi tu le touches, bon, tu vois, ça cause des problèmes. Et sur le nouveau stabilisateur que j'ai acheté, il y a ce qu'on appelle un follow focus. qui permet de faire toi-même le focus sans toucher le... En fait, c'est une bague qui est autour de la bague de focus. C'est une bague en plastique que tu accroches autour. Et du coup, avec un petit joystick, tu peux faire en live, grâce à ça, tu peux avoir ton stabilisateur et quand même faire le focus. Et je me dis, c'est incroyable. Et je me demande dans 10 ans, toutes les technologies qu'on aura. Parce que maintenant, tu as des caméras embarquées, tout ce qui est, enfin, les caméras d'action style GoPro et tout, qui sont complètement stabilisées, qui ont des formats flat, donc qui peuvent être utilisées potentiellement pour du cinéma. D'ailleurs, ça arrive déjà. Donc je me dis, franchement, dans 10 ans, quel genre de technologie on aura, tu vois, c'est incroyable. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. D'ailleurs, tu l'as déjà utilisé, ce truc pour la bague de focus, là ? Pas encore, j'en ai pas l'utilité. Il faut vraiment... ce genre de truc que tu utilises quand tu fais vraiment un découpage de ton film, etc. Ouais. Où tu as vraiment envie d'avoir le plus précisément possible certaines choses. Tu vois, par exemple, tu as au premier plan quelqu'un, ta caméra bouge pas, ou alors très légèrement, et ensuite quelqu'un rentre dans la pièce et tu as envie de faire le focus dessus. Donc là, à la rigueur, ça s'utiliserait. Mais globalement, dans un clip, comme le rappeur reste le sujet principal, voilà. Central. Et voilà, en plus, littéralement central de l'objet, mais littéralement central de la caméra aussi. Ouais. Le focus se fait très très bien en automatique, surtout sur des caméras comme la 7. Donc voilà. Très très bon en focus. Hein. Tu m'avais montré et j'étais impressionné. Ah, c'est. Je sais pas si tu l'as déjà testé. Non. Bah, faudrait que. J'aime trop. Ouais, bah, avec plaisir. Si un jour, un après-midi, tu veux le tester. Allez. Avec grand plaisir. Hein, parce que franchement, à mon avis, ça va te. Ça va t'exciter. Vraiment. Alors, ah ouais. De manière érotique, là, il y a. Moi, dès que je l'utilise, je suis un peu ouf. Ouh là là, je. Ah, il y en a avant, il y en a après, c'est sûr. Hein. Bah, t'es déjà allé dans ton lit avec ton asset, quoi. Après, disons pas trop. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. non, mais. C'était un asex et plus un asset. Yes. Rapport au. au fait que. Au coït, par exemple. Oui. Oui, bien sûr. Exactement. mais voilà, non, sinon d'autres anecdotes j'ai par rapport au ski, puisque je le rappelle, on part au ski bientôt. Attends, mais on le rappelle à chaque épisode parce que ce serait pas le moment de partir finalement. Allez, on y va. On va au ski direct maintenant. Ouais. Quoi, mais c'est dans 3 semaines. Non, c'est à partir de maintenant. Non, par contre, il y a un truc qui m'a vraiment fait chier, c'est que j'ai perdu ta GoPro, ma GoPro au ski. Quand j'étais plus jeune, c'était à l'époque où on s'est rencontré à l'IUT. Ouais. C'était dernière année d'IUT, je crois. Ouais. On est parti au Contamine, donc il y a vraiment une station plutôt cool. Il y avait pas mal de bonnes descentes et tout. Et toute la semaine, on est un groupe du coup de riders, tu vois. Enfin, la poudreuse, on adore ça. Ah oui, la puff. Ah bah moi je vis pour ça, hein. Tu rigoles, la vitesse c'est ma vie. Hein. Et du coup, toute la semaine, je fais super attention à ce que je la garde. Dès que je tombe, je la cherche pour la choper et tout. Et le dernier jour, le matin, on se fait quelques descentes. Et une fois revenu au chalet, en gros... On était revenu. Ah oui, je m'en suis rendu compte quand on se déchaussait. Donc nous, on n'avait pas remarqué avant. Non. Ah. Bah non, parce que quand on descendait pas, je la mettais dans mon sac, en fait. Ah oui, ok. Ouais. Et en fait, c'est en ouvrant... Voilà, on revient au chalet, j'ouvre mon sac, je fais « Ah tiens, c'est bizarre, la GoPro n'est pas là. » Donc je la cherche sur moi et je dis « Ah, elle n'est pas sur moi non plus, ça commence à devenir bizarre. » Et en fait, clairement, je l'avais pas avec moi. Du coup, je remets mes chaussures, je pars tout seul me repartir au télésiège et tout. En plus, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait carrément tout un chemin qu'il fallait un peu grimpailler avec nos bottes et tout. C'était complètement stupide. Soit t'attendais le bus pendant 2 heures. C'est ça. Soit tu devais y aller toi-même et c'était la jungle. Et c'était long. Ah, c'était terrible. Vraiment, les bourgeois qui vont au ski, qui disent attends, c'était trop chiant de marcher avec les chaussures de ski. Quoi. Oh la malchance, mon gars. On a trop souffert. Non mais voilà, bref. Du coup, je la cherche sur le chemin, je la trouve pas. Je remonte tout en haut des pistes, je refais une descente par là où on est passé, par là où on est tombé et tout, et impossible de la trouver. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas où elle est. Elle est soit probablement coincée entre deux rochers à jamais, soit quelqu'un l'a trouvée et bah, bénef pour lui. En tout cas, là, quand on a parlé, j'ai eu des bribes de souvenirs de choses qui sont passées au ski, enfin, juste de moments où on skie. Ou alors on prend le télésiège ou n'importe quoi, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Est-ce qu'on y va maintenant, vraiment ? Dès qu'on coupe cette caméra, on y court. Alors, directement. Ah, ça va être vraiment cool. En plus, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Oh, ouais, on y était ensemble la dernière fois. C'est vrai. Et c'était à ce moment-là où t'as perdu ta GoPro. Merci de le rappeler, ça fait plaisir. Attends, tu viens de faire une anecdote là-dessus. Oui, mais après, on n'est peut-être pas obligé de le rappeler toutes parce les 5 jours. Parce que tu avais perdu, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, bon, allez. Allez, j'arrête tout. Ça, vous avez déjà perdu le matos, vous? Oui. Ah. Ah. Bah, j'ai perdu ma GoPro, pareil. Ah, c'est vrai? Oui. Sauf que, du coup, je faisais du surf en Californie. Ah. Voilà. Attends, mais tu te vantes énormément, là. Ouais. Bah non, franchement, elle a de la chance. Tant mieux. Ouais. Elle va pas dire j'ai fait du surf en Californie. Désolé. Tu vois, franchement, elle a la chance d'aller faire du surf. Bon, après, elle est extrêmement riche. Mais nous, on était au Japon. Mais... C'est vrai, redescend, clairement. Et du coup, j'avais mis ma GoPro sur un truc. Enfin... Ouais, sur l'avant du surf. Ouais, voilà. Et on m'a dit non, t'inquiète, ça va tenir. Et ouais. C'était première vague, fois. Plus de GoPro. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ah putain, merde. Du coup, voilà, bah, j'avais les boules. Ah putain, tu m'étonnes. Et du coup, t'en avais après eux ou après toi? Parce que eux, t'avais dit, mais t'inquiète. Bah, j'avais surtout peur de la réaction de ma mère quand j'allais lui dire, salut maman, j'ai perdu la GoPro, tu vois. Voilà. Ah ouais, non, c'est assez terrible. Mmh. Ouais, la peur de la réaction de ses parents quand on leur annonce qu'on a perdu une GoPro, c'est... Ah ouais, bien. Non, ça fait toujours un petit quelque chose. Hein. Exact. Ça, c'est clair. C'est... Il y a encore une fois, il y a un avant et un après. Hein, ouais, ça, c'est... Mais voilà. Non, moi, perso, j'ai jamais perdu de matos de travail, mais j'ai perdu des AirPods. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est de la photo, ça? Parce que là, on parle de photos, en fait. Ah non, pas du tout. Bon, bah alors. Bah voilà, la GoPro, c'est des photos, peut-être? Bah oui. Non, c'est de la vidéo. Non, ça fait photo aussi. C'est de la photo. C'est de la vidéo. Attends, tu rages extrêmement. Je rage. Putain, non, franchement, la photo, c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde. Ne serait-ce que pour avoir des souvenirs, c'est quand même trop cool. Mais surtout, c'est une façon très précise d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à certaines choses. Tu vois. Autant tu peux prendre un paysage. Je connais personne qui est insensible devant un coucher de soleil, par exemple. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire « Bon, on s'en bat les couilles, en fait. » À chaque fois que tu vois un coucher de soleil, tous les gens sont en mode « Putain, c'est quand même ultra beau, tu vois. » C'est stylé. Et avoir 2-3 photos de ça, c'est quand même très beau, tu vois. Surtout si tu arrives à faire une petite composition où le soleil se reflète sur l'eau et tout. Comme on avait fait en Corse, d'ailleurs, quand exact. On avait fait Quand on s'est levé à 5h du matin pour faire Faouté, ouais, c'était cool. Koh-Lanta, hein, d'ailleurs, exactement. Koh-Lanta. On a fait Koh-Lanta en Corse pour prendre des photos. Nouvelle anecdote dans un futur épisode. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi certains fabricants de produits numériques ou digitaux, s'obligent forcément à mettre une caméra, quand bien même elle est nulle à chier. Genre, je me souviens, j'ai acheté une Nintendo DSi quand elle est sortie. Oui. C'est le pire appareil photo du monde. Personne au monde ne prendrait des photos avec ça ou les garderait en mode qui va garder ça? C'est pixelisé, c'est moche, c'est même pas fait pour ça. T'as vu la taille d'une Nintendo DSi? Genre, tu l'emmènes et entre deux parties de Pokémon, tu vas prendre des photos. Mais qui fait ça? C'est vraiment... Mais il y avait vraiment une manie de faire ça à un moment surtout, dans les années 2010. C'est surtout, même sur la PS Vita, il y avait un truc pour prendre des photos et tout. En plus, ouais, le pire, c'est que c'est jamais utilisé dans les jeux vidéo. Ou alors, c'est pour des trucs claqués, tu vois, genre la Nintendo DS, la 3DS, là, tu peux... ça te spawn... En fait, ça fait un truc en environnement... comment dire... réalité augmentée, comme ça. Okay. Et du coup, tu peux photographier tes potes et ça fait des mini-hélicos avec la tête de tes potes, comme ça. Et c'est... Pourquoi, en fait? C'est utiliser votre argent pour faire des trucs mieux que ça. C'est, pour améliorer les graphismes, par exemple, Nintendo. La puissance ou autre chose, tu vois, effectivement. Voilà. Après, bon, t'es quand même une sale merde de dire ça. Car t'as passé énormément de temps sur Zelda et t'as adoré. Alors, après, sois honnête avec toi-même. S'il avait eu des graphismes de PS4, j'aurais pas dit non, par exemple. Des graphismes de PS4? Ouais. Tu veux dire Spider-Man, là? Ouais. Où le soleil vient d'un côté et l'ombre est du côté du soleil. Tu veux dire ça? La nouvelle génération. Écoute. Des milliards de dollars pour ça. C'est la base de la physique. Tu critiques Spider-Man, je déteste. Non, mais il le faut. C'est le meilleur jeu du monde. Il le faut. Tu es aveugle. Zelda est 1000 fois moins bien que Spider-Man. Il n'y a pas un skin où il a un sachet en plastique, un sachet en carton sur la tête? Oui. Bah, c'est toi, ça. Ah, je savais. Ah là là. Ah, ouais. Enfin voilà, je pense qu'on pourrait s'arrêter là, on est déjà à 45 minutes. Pour être tout à fait franc, c'est un épisode qu'on fait un peu en deux spies, on n'a pas trop eu le temps cette semaine. Et là on s'est réunis car ces deux formidables personnes ont cuisiné un lasagne, des lasagnes. Des lasagnes. Un plat de lasagne, mais des lasagnes. Excellent, voilà, donc je tiens à vous merci féliciter. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'était vraiment très cool, on a bien mangé, beaucoup mangé. On a bien et beaucoup mangé. Franchement, j'ai fait des lasagnes pour 6 personnes. Il reste une petite part minuscule et on était 3. Je suis assez déçu, mais on aurait pu finir, je pense. Si on était plus ah oui fond. Non, mais moi j'étais chaud pour finir, mais j'avais envie de t'en garder. C'est surtout que j'ai passé une heure. On a passé 1h40 dans la cuisine ce matin pour faire ça. Donc je me suis dit, au moins que ça fasse 2 repas pour moi. Voilà, c'est tout. Et bien non. Et non. mais ouais, du coup, c'est cool. On en profite pour faire ce petit La Bonne Franquette. À La Bonne Franquette, vraiment, on est un peu en deux spies, très tranquille. Mais on espère que ça vous plaira quand même. Pour la fin d'année, on vous prépare des choses un petit peu plus spéciales et conceptuelles. Exact. On vous en dit pas plus. Vous irez voir vous-même les vidéos, en fait, qui vous êtes. Vous êtes qui, en fait. Et puis, même chose, l'année prochaine, l'année 2020, pour ceux qui nous suivent souvent et qui aiment bien ce duo et ce format... commencer sur les chapeaux de roue. Ouais, et les chameaux de poux, comme j'avais dit, je crois, dans le tout premier épisode de La Bonne Franquette. C'est vrai ? Si je me souviens bien, j'ai fait cette faute. Les chameaux de poux. Enfin, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Oui, c'est vrai, merci. Alors, n'oubliez pas de commenter, quand même, c'est important, ça fait plaisir. En plus, hier soir, on a fait une soirée avec plusieurs personnes, du coup, pour l'anniversaire de Lisa, encore et toujours Lisa. Lisa. En fait, c'est notre productrice, c'est pour ça qu'on la place tout le temps. Non, c'est pas vrai. Par contre, si elle veut devenir productrice, tu peux, Lisa. Il faut juste investir de l'argent. En fait. Mais non, et pendant cette soirée, il y a plusieurs personnes qui nous ont effectivement parlé du fait qu'ils adoraient écouter ça en faisant d'autres trucs et tout. Et c'est des gens qui commentent, qui likent, qui partagent. Et c'est le nerf de la guerre, en fait, sur Internet, de tout ça. Donc, merci aux gens qui partagent, qui likent et qui commentent. Et faites-le aussi, c'est très important. Voilà, je n'ai pas... Ça nous aide énormément. Bah, déjà, ça fait plaisir, on va pas et se mentir. Ça fait plaisir. Là, on n'est pas dans une stratégie d'indexation en mode « Alors, l'algorithme YouTube !» Moi, j'ai vraiment juste envie que mon ego fasse « Ah, c'est tout !» Moi, je suis vraiment dans une démarche, personnellement, d'offrir de la visibilité, parce que je sais qu'on pourra faire encore plus de choses, et étant donné qu'on a pas mal de projets sous le coude, il y a moyen que ça devienne un truc vraiment sympa, ce podcast. Oui. Qui est amené peut-être à évoluer, mais j'en dis pas plus. Alors, un petit mot pour la fin, Anne, Charlotte. Juste un mot. Anus Carlotus, d'ailleurs. Oui. Un mot. Oui, c'est ça, c'est oui. N'importe lequel. De tous les mots qui existent. On est même suspendu à tes lèvres. De toutes les langues possibles. La France attend. Eh bien, lasagne. Oh voilà. Manger des lasagnes. J'ai faim, d'accord. Non, vraiment, c'est faux. On a vraiment beaucoup mangé. Un petit mot, Vincent, pour la McDonald's. J'ai faim. Est-ce qu'on est payé pour ça? Non. Alors, tu ne cites pas de marque ou alors tu cites deux autres fast-food. Burger King... Five Guys qui s'implante à Strasbourg. Et ça, je sais que tu vas prendre 20 kilos. Oh oui. Tu peux dire adieu à ce corps d'esthète. Bah, pour l'instant, il n'est pas non plus... Bon, en ce moment, c'est l'hiver. Bah. Attends, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver. On hiberne. Hein. C'est, voilà. Non, franchement, prenez soin de vous. C'est vraiment important. Ouais, allez à la salle de sport. Et mangez pas trop gras comme nous au ski. Voilà. Merci. Si. Non, faites-vous plaisir, c'est vraiment le plus important. On dit ça, c'est notre catchphrase de fin, mais en fait, se faire plaisir, se bien se traiter soi-même, c'est la base de tout. Donc vraiment, faites-le, surtout en ces fêtes de fin d'année. Pensez aux autres, mais pensez aussi à vous, c'est important. Prenez soin de vous. Pensez à moi. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine.